She was a little girl, pretty exceptional. Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je suis heureuse de vous retrouver pour partager ces prochaines minutes bonheur avec vous. Comme vous le savez tous, enfin je suppose, nous sommes passés ce week-end aux heures d'hiver. Et avec le changement de temps de ces derniers jours, nous avons tous bien compris que nous allons subir quelques changements dans notre rythme et nos habitudes. Nous nous sentons parfois plus fatigués, parfois plus maussades, nous ne profitons plus du soleil et de ses vertus, les jours se raccourcissent. Et si nous lâchions prise, que nous nous laissions aller dans ce nouveau rythme qui se profile? Certains mammifères seront bientôt en hibernation. La flore, elle aussi, s'endormira d'une oreille. J'avoue que je me suis toujours demandé pourquoi l'homme s'infligeait le fait de continuer son train-train quotidien alors que toute la nature autour de lui se mettait en veille. Le formatage de notre société? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment accepter et bien vivre ce changement, cette transition hivernale qui s'offre à nous. Il y a 2400 ans environ, Hippocrate, enfin clinicien, affirmait déjà le caractère saisonnier de certains problèmes de santé. Le temps vivant, contrairement à celui de nos montres, ne coule pas. Il tourne, comme la Terre tourne autour de son axe en 24 heures et en un an autour du Soleil. Notre organisme, adoptant un rythme similaire, ignore superbement la ligne droite et préfère le charme du zigzag biologique. Il fluctue et module ses productions pour survivre. Tantôt il fait grimper allègrement certaines sécrétions hormonales, tantôt il les ralentit. Ces pics et ces creux ne sont pas le fruit du hasard, explique le professeur Alain Renberg, précurseur en France de l'étude des rythmes biologiques et auteur du temps humain et rythme biologique. Ils correspondent à des variations périodiques des différentes fonctions et sécrétions de l'organisme qui se succèdent dans l'échelle du temps selon un ordre précis. Cette organisation temporelle nous permet de savoir à quel moment de l'année nous sommes le plus résistants ou au contraire le plus vulnérables. Comment vivre plus en harmonie avec les rythmes de la nature qui sont aussi les nôtres en synchronisant nos horloges internes dans notre vie quotidienne? Elles tournent toutes seules, mais le système de remise à l'heure provient de signaux de l'environnement tels que le lever du soleil et la tombée de la nuit. Or, la vie urbaine brouille les compteurs en prolongeant l'activité nocturne et en nous éloignant de la lumière du jour. Et la majorité des gens souffrent de ces perturbations. Il faut donc que notre organisme retrouve son rythme sur 24 heures, avec les pics et les creux à la bonne plage horaire. Les méthodes sont simples, si simples, plaisante Alain Renberg, que personne ne pense à les appliquer. Exemple, Se lever et se coucher toujours à la même heure serait essentiel. De plus, la vie urbaine sous-expose la plupart d'entre nous au soleil pendant 11 mois de l'année, au détriment de la santé de notre peau. Une étude vient en effet de révéler des carences en vitamine D, synthétisées par la peau sous l'action du soleil, chez les habitants de la moitié nord de la France. Pour se sentir bien, il faut essayer de profiter au maximum de la lumière naturelle en marchant en plein air le plus souvent possible, et ce, en toute saison. Le soleil est un médicament précieux dont nous avons un besoin vital. Le cerveau humain est doté de deux horloges biologiques maîtresses, deux glandes censées préserver son équilibre, l'hypothalamus, dit aussi pendule de l'organisme, sensible à l'alternance lumière-obscurité, régule la température du corps, le pouls, la tension artérielle et les sécrétions hormonales. La glande pinéale ou épiphyse ou sablier de l'organisme, parce qu'elle ne déroge jamais au rythme immuable des 24 heures, détermine la température profonde du corps. Elle est directement liée à nos cycles vitaux. Le problème, c'est que l'homme dispose également de cellules grises, l'intelligence ou horloge biologique corticale, qui lui permettent d'agir sur le temps et ses propres rythmes. Et bien souvent, il le fait au mépris des exigences naturelles de son organisme. Et si au lieu de traverser cette nouvelle saison à reculons, nous y trouvions de bons côtés? Voici quelques conseils pour appréhender au mieux ce changement de saison. Durant cette période, notre énergie baisse progressivement. On se retrouve à rêver de sieste, à bâiller à des heures inattendues, à se sentir plus engourdi au réveil et à désirer bien plus de repos et de sommeil. Et souvent, on a tendance à se demander qu'est-ce que l'on couve à accuser le coup d'une grosse fatigue. Et bien pourtant, cette baisse d'énergie est normale et salutaire. Prenez le temps de la prendre en considération, de vous emmitoufler, de dormir plus dès que le besoin se fait ressentir et de vous poser tout simplement. La baisse d'énergie se stabilisera bien plus rapidement et vous vous reconnaîtrez davantage. Plutôt que d'essayer d'ignorer vos niveaux d'énergie en courant après les soirées et vos activités estivales et se retrouver complètement fatigué et malade à l'arrivée de l'hiver, restez donc à l'écoute de votre corps. Vous remarquerez s'il vous oriente naturellement vers plus de temps de récupération et de repos. Votre corps ne vit pas déconnecté des autres et de son environnement dans une bulle artificielle hors du temps. Il sent, observe et change avec l'automne. Ancrez-vous. En Ayurveda, la médecine indienne holistique et 100% naturelle, l'automne est la saison de Vata. Vata étant caractérisé par les sensations aériennes de froideur, de sécheresse et parfois d'anxiété. Ce sont donc ces caractéristiques qui seront amplifiées pendant l'automne. Une image pour illustrer Vata et son impact sur notre corps et notre esprit. De la même façon qu'une feuille sèche se détache d'un arbre en automne, se retrouve emportée à droite et à gauche par le vent, virevolte dans les airs, nous pouvons nous sentir, le corps comme l'esprit, à la dérive, flottant dans les airs, sans réelle connexion aux personnes qui nous entourent, aux idées ou aux activités en cours. Bref, sans se sentir solidement ancré, ces sensations peuvent être déconcertantes et troublantes. Une pente sur laquelle nous n'avons pas envie de nous engager et qui pourtant peut nous happer encore plus facilement en automne. Alors, quel que soit le sport ou l'activité physique que vous pratiquez, yoga, marche, course, tennis, etc., profitez de cette activité pour explorer comment on peut ressentir de la légèreté sans pour autant se sentir dépossédé ou désincarné. Pendant que vous marchez ou courez, prenez le temps de sentir vos pieds, votre ancrage au sol, comme si vos racines étaient solidement ancrées, alors que votre corps ou votre esprit danse au rythme de la musique, du paysage, de vos idées pendant que vous bougez. Avoir une base solide tout en ayant la tête dans les étoiles, c'est possible. Mais pour cela, surtout en automne, revenez aussi souvent que possible à vos pieds, à votre ancrage, à ce qui fait de vous quelqu'un de solide, de résilient et de cohérent. Revenez à votre vérité et à votre force, puis laissez votre créativité, imagination ou humeur faire des folies. Boostez votre système immunitaire. Nous le savons, le froid arrive et avec, notre système immunitaire semble fragilisé. Les rhumes, grippes, fatigues, saisonnières et autres maladies font pointer leur nez. Voici une recette simple à reproduire tout au long des saisons froides. Une infusion de gingembre frais, quelques lamelles et de coriandre en graines est le remède idéal. Derrière cette infusion naturelle qui peut paraître très compliquée pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, il y a un moyen très simple, facile et économique de vous soigner et de renforcer vos défenses immunitaires. Sans médicaments, sans produits chimiques, sans être déconnecté de votre pouvoir de guérison naturelle. La respiration consciente et complète est une façon très facile et puissante également de se faire du bien et de revenir au moment présent. On considère que l'on expire à des caractéristiques plus terrestres, plus lourdes. À l'inspire, on soutient la vie, la joie, alors qu'à l'expire, on se pose et on se sent appartenir. C'est pendant l'expiration que nous améliorons notre connexion à la terre. Pendant l'automne, alors que Vata est en plein boom, nous avons tendance à rallonger nos inspirations. En faisant cela, nous exagérons l'agitation mentale et cette fameuse sensation de virevolter dans les airs. Réciproquement, en rallongeant et en ressentant davantage notre expiration, nous pouvons équilibrer ces sentiments. Avec de longues inspirations, nous stimulons le système nerveux parasympathique et calmons physiologiquement notre corps. En nous attardant sur la partie la plus lourde de la respiration, nous accentuons le processus de relaxation. Songez à l'aromathérapie. Les huiles essentielles, en plus d'emplir la maison de bonnes odeurs, peuvent également vous prémunir contre les infections hivernales. Thym, menthe poivrée, sauge et eucalyptus auront un effet bénéfique sur votre organisme. À mettre dans le diffuseur l'eau du bain, sur un mouchoir que vous inhalerez occasionnellement ou sur l'oreiller. Au fil des saisons, prenez soin de vous faire le plein d'énergie. La médecine chinoise propose de stimuler son énergie vitale selon les organes phares de chaque saison pour un tonus maximum. L'automne correspond au repli de la nature et en même temps au retour du travail après les vacances. L'idéal est de ne pas oublier de garder un lien avec le milieu naturel. La marche ou les sorties à vélo améliorent les défenses de l'organisme, respirer à plein poumon minimise les états mélancoliques. Et voici quelques exercices et conseils pour vous aider. Mouvement dynamique. Laissez tomber les bras devant vous avec l'expiration. Exercice statique. Appui de la main, doigts pointés vers l'arrière sur un plan vertical comme un mur et ouverture de l'autre bras, segment par segment. Visualisation et respiration, une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre, sous l'ombilic, respirez et faites communiquer ces deux pôles en visualisant la couleur blanche. Vous l'avez compris, il est temps de sortir marcher en pleine nature, quel que soit le temps. Tenez compte du début de la phase yin de la nature, et ralentissez avec elle, surtout au niveau de l'intensité de vos activités. Les jours raccourcissent, les feuilles jaunissent, nous voilà rentrés de vacances. Explorons la nouveauté, alors que nous rentrons dans la saison Vata qui apporte avec elle le changement. La chaleur s'en va doucement, l'automne arrive apportant le vent et la pluie. Pour l'Ayurveda, nous pénétrons dans une saison dans laquelle les éléments air et éther dominent. Comme le rappelle cet art de vie, nous pouvons équilibrer un dosha par son contraire, pensons lourd, pour contrecarrer le léger de l'infiniment petit. C'est une saison parfaite pour explorer la science du pranayama et des nettoyages du nez. Enfin, profitez des derniers rayons du soleil pour marcher à l'extérieur et vous ancrer. Vous pourrez continuer de manger des fruits, mais vous pourrez les préparer en accord avec la température extérieure. En cette saison, il y a tant de variétés de pommes à cuire, à croquer, à cuisiner. Préparez une recette toute simple de pommes au four avec un peu de ghee, une pincée de cannelle pour réchauffer et une de vanille, un régal. Sur un plan émotionnel, Vata nous entraîne dans les rêves et les chimères, peut-être aussi parfois dans de l'anxiété, alors découvrez ou poursuivez l'exploration de la relaxation. Recevez chez vous plutôt que de sortir, préparez-vous un nid douillet pour lire, écouter de la musique, prendre du repos. Vous l'avez compris, il est temps encore plus aujourd'hui de prendre son temps afin d'appréhender cette nouvelle saison qui s'offre à nous le mieux possible. Il est temps de se relaxer bien au chaud dans son nid douillet. Voilà pour ces quelques minutes de bonheur d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons mardi prochain à 8h et 13h30. Je vous embrasse.